Sopla el viento helado del norte, souffle le vent glacé du nord. Il me regarde et ses yeux sont froids. Il regarde, sourit et puis s'en va. Mes peines vieillissent. Souffle le vent soulevant la poussière. Il a promis qu'il viendrait demain. Ses paroles sont douces, mais il ne tient pas ses promesses. Mon cœur se refroidit. Tous les jours a soufflé fort le vent, et aujourd'hui il n'y a pas eu de soleil. Je pensais à lui autant, autant, mon rêve est parti. Nuit de noir à nuage, la foudre ne nous apporte pas la pluie. Je me réveille et tout est obscur. Ma tristesse est juste à moi. De la reine du palace de Vey, 8e siècle avant le Christ.